chez Jean Dumas Ford de Dolbeau Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de la NFL avec notre ami du BlitzNFL.com, Tony Guzzo. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien Tony. Deux petites affaires que je voulais avant de parler des matchs de la semaine. Il y a une dépêche qui vient de sortir. Kareem Hunt aurait été, c'est le site TMZ, qui est un site à potée américain, qui vient de publier un vidéo où on voit Kareem Hunt s'en prendre à une femme dans un hôtel de Cleveland. Ça s'est passé en février dernier, donc ça fait un bout de cette histoire-là. Puis finalement, la nouvelle vient juste de sortir. Écoute, la NFL a caché cette histoire-là. La NFL, là, ici, il y a peut-être une tache noire, là. C'est toutes les histoires de mœurs entourant ces joueurs vedettes et les joueurs. Hein. Tu sais, ça arrive souvent. Oui, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, puis c'est une grande tâche parce que on touche des valeurs, on touche des principes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont peur la ligue par rapport à ça là. Ça me fait penser un peu à des situations où on va dire éteint, on va te donner un certain montant d'argent pour que vous en parlez pas, mais là, quand tu as le TMZ derrière ça, qui sont capables d'aller chercher les films vidéo, tout ça, mais c'est vraiment dommage pour la NFL, puis je vais être honnête, là, je comprends pas pourquoi qu'il y a juste comme ça, parce que c'est vraiment grave, puis regarde aussi tu sais, le cas de Reuben Foster, dernièrement, là, tu sais, il a été arrêté pour violence conjugale, puis les 49ers l'ont libéré, puis les Redskins sont allés le réclamer au ballotage. Là, ouais. Je peux pas comprendre comme principe des équipes, comme valeur, qu'on peut accepter ça. Ouais, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais... Ben écoute, on l'a vu dans le baseball, je sais pas si tu suis le baseball, Roberto Osuna est parti des Blue Jays, justement parce que dans une histoire de conjugale, il s'en était pris. On a vu comment, quand il est revenu à Toronto, comment ça a été, il a été accueilli. Osuna, écoute, il a 21 ans, là, c'est un des bons, 22-23 ans, c'est un des bons releveurs du baseball majeur, déjà à son âge. Donc, on voit que le baseball ne lésine pas comparativement à la NFL. Si, comme je t'ai dit, s'il y a un point d'interrogation ou encore quelque chose qui est une grosse tache noire à la NFL, c'est l'aspect, peut-être, l'aspect mœurs. Il y a beaucoup d'histoires entourant les joueurs vedettes, puis ça, je trouve, c'est dommage pour l'image de la NFL. Là. Mais excuse-moi, Danny, j'ai pas été en détail, mais est-ce que la NFL le savait ou il vient de le savoir comme tout le monde? La nouvelle vient de sortir, je vais te lire ce qu'on dit sur le site d'RDS. On dit que la NFL n'a toujours pas réagi à la publication de cette vidéo. Est-ce que la NFL le savait? Il va y avoir une enquête éventuelle, puis là, il va y avoir des conséquences par rapport à ça, mais en espérant que la NFL, c'est quand même depuis février, là, on parle déjà de 9 mois. Oui, effectivement. Donc, OK. Autre nouvelle, c'est cette semaine, j'ai oublié de t'en parler, les Jaguars qui ont congédié leur coordonnateur à la défense, à l'attaque, c'est Nathaniel Hackett qui a été congédié cette semaine. Oui. Scott Mihailovic, l'ancien entraîneur des Argonauts de Toronto, ancien coordonnateur également des Alouettes de Montréal, c'est lui qui va assurer l'intérim comme prendre la relève, oui. Est-ce qu'il n'y a pas si pire pour une ligue pour la Ligue canadienne, une ligue de broche à foin, c'est quand même pas si pire, hein? juste en passant comme c'est, ça. Là. C'est parce qu'on passe un message, il y a 20% de nos amateurs de football qui aiment pas la CFL, là, Danny, là, t'es trop rough, là, mais c'est tous des professionnels. Là, et moi, je te l'ai dit la semaine passée, non, c'est un amateur message de football va aimer. Pardon? C'est un message que je passais en passant. Ouais, c'est ça, je sais, mais je suis content pour ces gens-là, puis tu sais, je veux dire, il y a des ressources, il y a des, tu sais, je me demande si la NFL considère un gars comme Glenn Constantin éventuellement, je sais pas. Ouais, en tout cas, qu'on commence par la SCF, par commencer. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis non, mais pour revenir aux Jaguars, puis en plus, non seulement, ça a été vraiment une mauvaise journée, hein, pour les Jaguars. Je pense que je l'ai mis sur Twitter, j'ai dit, ils se sont levés avec une fiche de 3 victoires, 8 défaites. Ils ont congédié le coordonnateur offensif. Ouais. Ils ont benché, ils ont cloué au banc Blake Bortles, ça va être Cody Kessler qui va débuter cette semaine, et Leonard Fournette qui a un match de suspension suite à sa bagarre avec Shock Lawson des Bills la semaine dernière. Là, fait que ça va pas bien à Jacksonville. Ça va vraiment, vraiment, mais vraiment pas bien. Donc les Jaguars qui sont 3-8, beaucoup les voyaient au Super Bowl d'ailleurs. Donc écoute, c'est une catastrophe. Il y en a qui donnaient même le Super Bowl. Ah, effectivement. Donc écoute, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mon chum Alexandre Gauthier, qui est un ancien collaborateur ici, est un grand partisan des Jaguars. Puis lui, il voit Derek Carr l'an prochain à Oakland. D'Oakland, c'est la rumeur. Oui, c'est la rumeur. C'est la rumeur. Puis c'est qui l'autre nom aussi, corps arrière? Là, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Eli Manning est peut-être aussi. Je ne suis pas sûr que Eli Manning accroche. Eli Manning a peut-être besoin d'un changement d'air. Oui. Parce que là, excuse-moi, ça me revient, parce que Tom Coughlin, c'est le responsable des opérations, le vice-président ou président des Jaguars, puis il a joué avec Manning, fait que c'est pour ça qu'il a Manning, il est peut-être plus près que Derek Carr. Ouais. Et c'est la fête à Bo Jackson aujourd'hui, 56 ans. Bo Jackson, probablement le plus grand athlète du sport, tout confondu, que moi que j'ai vu de mon vivant, là. Quel joueur de football, quel joueur de baseball également. Est-ce que tu te rappelles de Bo Jackson? Est-ce que tu as l'âge pour te rappeler de Bo Jackson? Oui, je l'ai vu aller. Puis Bo Jackson, c'est toujours un nom qui va toujours m'en revenir, parce que pour les gens qui ne le savent pas, dans ma vie professionnelle, je suis responsable des sports ici dans une municipalité à Montréal, là, à La Salle. Okay. Et de plus en plus, on voit dans les nouvelles que malheureusement, nos jeunes, ils pratiquent pas plus qu'un sport. Puis il y a trop de spécialisation. Puis Bo Jackson me revient toujours, puis je dis toujours son nom, parce que les meilleurs athlètes ont pratiqué plus qu'un sport. Puis Bo Jackson en est vraiment la référence à ce niveau-là. Puis il a été formidable. Je l'admirais, parce que j'aime aussi le baseball. Là. Je l'admirais en tant que joueur de baseball, que joueur de football. C'est incroyable. Puis tu fais bien de dire que c'est un des plus grands athlètes de l'histoire. Là, ouais, et aussi, moi, une blessure à la hanche qui a mis fin prématurément à sa carrière. Peut-être que c'était trop baseball, football. Écoute, Deion Sanders l'a essayé aussi. Il l'a fait, oui. Il l'a fait aussi. Il a même été dans un match de la NFL l'après-midi. Le soir, il jouait un match de la Série mondiale. Ouais. Tu te rappelles de ça? Oui, à Atlanta. Oui, effectivement. Donc, c'est 56 ans pour Bo Jackson. Les matchs à surveiller en fin de semaine. Moi, j'en ai quelques-uns. Évidemment, on s'approche beaucoup du mois de décembre. Qui dit mois de décembre dit des matchs extrêmement importants pour les séries éliminatoires. Là, écoute, actuellement, ceux qui sont en série actuellement, donc tu aurais dans l'américaine, tu as les Ravens, les Chiefs, les Steelers, les Pats. Et les Chargers sont en série. T'as également, du côté de meilleur deuxième, t'as des possibilités pour les Colts, les Dolphins, les Bengals, les Broncos et Titans. Les Browns, on oublie ça, les Bills, on oublie ça également. Donc, il y a un match extrêmement important qui va jouer à 1h samedi, dimanche, c'est-à-dire. C'est pas le meilleur match de fin de semaine, mais c'est un match important pour la suite des séries éliminatoires. C'est les Broncos de Denver qui vont être à Cincinnati. Si tu gagnes, encore une fois, tu restes en série, ou encore des chances d'être en série. Tu perds, t'es pas éliminé automatiquement, mais t'as des grosses chances, évidemment, de pas faire des séries. Ben, vous, dans les deux cas, là, dans, ouais. effectivement, c'est un bon match. Dans les deux cas, ils s'en vont dans, vraiment dans des directions opposées. Parce que pour commencer avec Cincinnati, Andy Dalton s'est blessé au, ouais. s'est blessé au pouce. AJ Green va revenir. Mais pour les Broncos, ça va très bien avec une, des belles victoires la dernière semaine. Puis, ils ont aussi un petit calendrier favorable. Donc, Denver pourrait bien se faufiler là-dessus. Et pourrait. Moi, qu'est-ce que je pense personnellement, les Colts ont peut-être plus de chance parce qu'Andrew Luck va très bien. Ouais, mais oui, c'est un gros match. Puis j'ai l'impression Cincinnati, là, en plus la semaine passée, sont allés perdre contre Cleveland. Là. Bien battu pendant ça. Puis ça a pas de l'air. Ben c'est une belle, comme on dit, une bonne volée qu'ils ont eue. C'est pour ça. Puis Denver, là, j'ai vraiment, ça va pas bien mon affaire là. Mais Denver a connu aussi une grosse victoire, donc sont vraiment dans un bon momentum. Puis comme j'ai dit, ils ont un bon calendrier favorable. Denver pourrait brouiller les cartes d'ici la fin de la saison là. Ouais. Et le match à 16h25, évidemment, c'est mes Pats qui ont, avec la défaite des Steelers, une défaite qui fait mal la semaine passée à Denver, justement. Là. Justement, quand Denver, ils affrontent la formation des Vikings du Minnesota. Ça aussi, ça va être un bon match. Minnesota qui se doit encore de gagner avec eux qui pourchassent, évidemment, les Bears de Chicago. Les Bears... Est-ce que Mitch Trubisky va jouer? Parce que c'est un cas incertain cette semaine. Ben, il est encore incertain, mais il est plus près de jouer que non. Okay. Mais il est encore incertain. Ça va être une décision prochainement. Là, on est à l'heure qu'on se parle, c'est vendredi en fin d'après-midi, donc ça devrait sortir un peu là, s'il va jouer ou pas. Là. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de nouvelles là-dessus, mais il est plus près d'un départ. Là, mais pour venir aux Pats puis aux Vikings, les Pats ont quand même eu une saison avec des hauts et des bas. Les Vikings sont allés gagner un bon match contre les Packers. Ça va être le genre de match où ce que je sais que tu les aimes les Pats, Danny. C'est mon équipe préférée. Ça va être le genre de match où ce que Bill Belichick, je pense pas qu'il veut, confronter la défense par la course. J'ai l'impression que Tom Brady va se laisser aller. On parle de, il va peut-être lancer pour 40 passes et plus là. Donc on va peut-être voir le Brady. Parce que Brady, dernièrement, il n'a pas vraiment bien connu des gros matchs. Moi, je le sais personnellement, il m'a fait perdre des poules de football. Là. Fait que on risque de voir Brady, on risque de voir plus une attaque aérienne contre les Vikings. Mais les Vikings ont quand même une bonne défense. Mais on va voir aussi Kirk Cousins. Il m'a quand même... moi, je doutais de lui lors des prime time, mais il a très bien joué contre les Packers. Donc, on s'attend à un bon match. Sont à New England, par exemple. Oui. Il y a ça. Fait que les Patriots ont toujours un certain avantage à Foxborough. Mais ça va être je pense que là, Tom Brady va démontrer. Moi, personnellement, c'est le match où ce qu'on va voir. Parce que je pense pas que les Patriots vont pouvoir avoir l'avantage du terrain. Là, non, parce que la semaine prochaine, là, les Pats sont à Pittsburgh. C'est ça. Donc ça va être un match au... C'est ça. Donc si les Pats veulent avoir un beau chemin dans les séries éliminatoires, ben ils devraient l'emporter là, en fin de semaine. Donc ça reste un bon match attaque aérienne. La défensive des Vikings est un peu meilleure, mais peut-être les Pats devraient s'en sortir dans ce match-là. OK. Et le match à surveiller également à 20h25, à 20h20 plutôt. Dimanche sur RDS et NBC et TSN, c'est les Chargers à Pittsburgh. Ça va être un excellent match aussi. Écoute, les Steelers qui vont très très bien devraient pas être nécessairement devraient gagner le championnat de leur section contre une formation qui est pratiquement assurée eux de finir en deuxième position, comme meilleur deuxième. Mais je pense pas que ça arrive là. Les Chargers et les Chiefs s'affrontent, je pense, c'est pas la semaine prochaine, mais dans le match du jeudi soir. Donc, oui, ça, ouais. Je pense, mais le match est à Kansas City, fait que ça enlève beaucoup de chance aux Chargers. Gros match de l'AFC. Ça risque d'être un match qu'on va voir en série pendant les wild cards, comme on dit. Ouais. Philip Rivers est en feu. Ça c'est un autre quart arrière qui m'énerve entre guillemets. Là. Il performe bien des fois, puis des fois il y a des crampes au cerveau. J'ai l'impression que ça va être vraiment un match. Puis les deux sont en prime time. C'est rare qu'on voit Rivers aussi en prime time. Donc ouais. Un match de 10 ans. Devant les spotlights, devant les projecteurs. On va voir comment Rivers va réagir. Les Chargers risquent de donner bien de la misère à Big Ben pour créer des revirements, des erreurs. Donc, en défensive, on risque de voir les Chargers surprendre et d'aller bien. Le problème avec l'attaque des Chargers, c'est qu'ils vont être sans Melvin Gordon. Donc, c'est vraiment là, c'est deux matchs importants là, dans l'AFC pour ces deux équipes-là. On va voir, moi, les Chargers, là, ça devient une autre équipe qui me fait perdre des poules, des Survivors. Là, parce c'est que, jamais les Chargers, ça, comment ils les prennent. Hein? Ouais, mais des fois là, quand ils perdent leur match, tu te demandes pourquoi ils ont perdu là. Donc, mais oui, effectivement. Puis en plus, San Diego, excuse-moi, Los Angeles, les Chargers sont 4-1 à l'extérieur, donc ils connaissent vraiment. Quand une équipe connaît une bonne fiche à l'extérieur, surtout comme une équipe de Los Angeles là qui voyage dans l'Est, malgré que c'est un match en soirée, donc côté décalage horaire pour eux autres, ça ne devrait pas l'affecter. Mais comme j'ai mentionné, les Chargers risquent de... Parce que cette année, ils ont bien balancé l'attaque avec la course et l'attaque aérienne. Mais là, le fait que Gordon ne soit pas là, ça va être beaucoup de pression pour Philip Rivers. Puis on va voir comment il va réagir sous pression. Puis de l'autre côté, Big Ben, ils vont continuer. Mais j'ai l'impression que Big Ben risque d'avoir un peu de la difficulté. Ça va être intéressant de voir les Chargers à Pittsburgh, comment ils vont réagir. Effectivement. Donc, un match. Hier, je veux parler du match d'hier, victoire des Cowboys. Donc, j'avais prédit cette victoire-là. Pas parce que, écoute, je pense qu'à quelque part, les Saints étaient dus pour n'en perdre une. Les Cowboys vont extrêmement bien par les temps qui courent. Et le match était à Dallas. Fait que, bien, hier, Drew Brees était amorphe dans ce match-là. Mais il faut donner crédit à la défensive aussi, là. Tout à fait. Puis, ben oui, la défensive des Cowboys a vraiment surpris tout le monde, mais surpris dans le sens qu'ils ont sorti fort. Et, tu sais, quand on dit que les Saints ont été une machine depuis le début de l'année, ben cette machine-là n'a jamais démarré dans ce match-là hier. Là, vraiment, là, chapeau aux Cowboys. Puis, au niveau de l'attaque, Prescott avec Elliott, ils ont bien, bien joué. Moi, les Cowboys, ils me surprennent, je comprends pas. Ça en est une autre équipe où ce qu'on voulait mettre Jason Garrett dehors, mais j'ai l'impression que au niveau de la préparation, sont assez sérieux parce que ils ont vraiment, avec Marinelli, ils ont vraiment mis toutes les énergies au niveau de la défensive pour essayer d'arrêter Breeze, puis ils ont réussi, puis chapeau aux Cowboys. Et oui, effectivement, les Saints devaient en perdre une, mais je pensais pas qu'ils perdaient celle-là. Là. OK. Donc, Tony, on s'en parle vendredi prochain? Oui, on s'en parle vendredi prochain. Puis une dernière note, il n'y a plus de semaine de congé, les bye week. Donc toutes les équipes jouent à partir de maintenant. Comme tu as dit, c'est un dernier blitz. Et là, on commence à avoir des scénarios comme les Rams, s'ils gagnent en fin de semaine, ben ils vont remporter la division Ouest dans la nationale. Donc de plus en plus, on a des scénarios où ce que les équipes vont pouvoir participer aux séries ou déjà remporter des divisions. Donc les Rams avec une victoire ou une défaite des Seahawks cette semaine, ben les Rams vont remporter la division Ouest dans la Nationale. Ils sont à Détroit en fin de semaine. On s'en parle la semaine prochaine, Tony. Parfait, merci beaucoup. Puis, bon football à tout le monde. NFL, le Bits NFL, Tony Guzzo.